Si vous êtes fan d'Histoire vivante, c'est ici et c'est maintenant sur la première. Très bonne journée à vous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rare cas. J'habite une campagne dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut se mettre dans son cul. On a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labor Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Cette semaine, négociation ou dialogue de sourds. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Oui, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La grève. En 1976, le personnel de l'entreprise Dubier se met en grève suite à des mesures restrictives et à la suppression du 13e salaire. Adepte du cinéma direct, le réalisateur Frédéric Godet filme alors les aléas de cette grève, l'une des plus importantes de Suisse. 40 années plus tard, la réalisatrice Véronique Rotelli et son producteur Freddy Landry ont retrouvé les anciens grévistes pour les confronter à ces images prises sur le vif, un documentaire où les travailleurs font le deuil d'une condition ouvrière révolue. C'est le thème du prochain documentaire d'Histoire vivante. Les travailleurs des usines Dubier à Couvet, Marin et Peseux ont décidé spontanément d'entrer en grève. Cette décision a été prise suite à l'affichage sans explication de la sentence injuste d'un tribunal arbitral. Ce dernier propose à la direction Dubier le versement du 13e salaire qu'au 25% de son montant total pour 76 et la suppression complète pour 77. Nous ne pouvons plus accepter de nous laisser mener avec les structures actuelles, car elles sont pour une grande partie la cause de ces lourdes pertes. Un extrait de « Au pays de la paix du travail », documentaire de Véronique Rotelli qui sera notre invitée vendredi. Notez bien que dès aujourd'hui, vous pouvez découvrir son documentaire sur le site des docs de la RTS ou sinon dimanche soir sur RTS2. Quant à nous cette semaine, c'est donc le thème de la grève qui sera au cœur de nos questions. Des éléments d'histoire mais également de sociologie accompagnés de quelques éléments comparatifs. Histoire vivante, cette semaine, la grève. Aujourd'hui, entretien avec Guy Groux, chercheur en sciences sociales. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je suis Guy Groux, directeur de recherche associé au CEVIPOF et actuellement directeur de l'exécutive master, dialogue social et stratégie d'entreprise à Sciences Po. Comment vous arrivez au travail que vous menez aujourd'hui? Il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est avoir envie de faire quelque chose. Quelque chose sur... on était donc dans les années 70, sur les changements sociaux. Et à l'époque, je pensais, c'était pas très original, on était beaucoup à penser cela, que les principaux changements sociaux allaient intervenir du côté du mouvement, des mobilisations collectives, du mouvement social, du syndicalisme. Et donc, je me suis interrogé à la fois sur le syndicalisme assez traditionnel et surtout, j'ai essayé, si vous voulez, de voir en quoi aussi de nouvelles couches sociales, comme les cadres, les techniciens, etc., participaient parce qu'il s'engageait de plus en plus dans le mouvement collectif, au changement social et même au changement politique. On était dans les années 70, je l'ai dit. Donc à partir de cela, je me suis spécialisé sur toutes ces questions de mobilisation collective, syndicalisme. J'élargis bien sûr ensuite avec les évolutions du droit du travail, parce que ça joue beaucoup. Et puis après, c'est un problème de spécialité. C'est-à-dire que quand vous êtes fiché dans le monde scientifique, comme travaillant sur ces questions, il est très très très difficile de muter ailleurs, voilà. Alors j'avais fait un petit séjour à l'INSEE où j'ai pu muter en m'occupant d'une grande enquête sur le monde ouvrier, qui a donné lieu à un ouvrage d'ailleurs, avec Catherine Lévy, qui s'appelait « La possession ouvrière ». Ensuite, j'ai quand même élargi la problématique au niveau du CEVIPOF, hein, de Sciences Po, où je me suis beaucoup plus intéressé à la manière dont les acteurs sociaux, alors toujours dans le monde du travail, hein, bien sûr, arriver à élaborer des revendications pour transformer non pas simplement leurs conditions de vie, mais aussi des règles plus générales, y compris le droit. Si les historiens travaillent à partir d'un matériau d'évidence, selon le cas l'archive, ou bien encore la mémoire orale, comment vous travaillez, à partir de quel matériau ? Alors moi, je suis sociologue, hein, donc je suis sociologue. Alors bien sûr, je suis assez fidèle à une démarche qu'on appelle la socio-histoire, c'est-à-dire me référer à tout un processus qui a construit un fait social. Donc bien sûr, à ce titre-là, j'utilise des archives, travail classique dans les bibliothèques, notamment la Bibliothèque nationale. J'utilise tous les documents bibliographiques, y compris très anciens. Alors la chance qu'on a à Sciences Po, c'est que vous avez des collections d'ouvrages anciens sur les diverses disciplines relevant des sciences sociales et politiques qui sont très très fournies, bien sûr. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup d'enquêtes de terrain. Beaucoup d'enquêtes de terrain, c'est-à-dire des entretiens avec des militants, avec des responsables, avec aussi, bien sûr, des simples salariés, hein, pour essayer de mesurer la manière dont eux-mêmes voient l'action collective, etc. Et c'est toujours important. Aujourd'hui même, je dirais, interviewer de simples salariés, c'est beaucoup plus important dans la mesure où, on le sait, on nous parle beaucoup d'individualisation des sociétés modernes. Et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de mesurer le regard que porte aujourd'hui le salarié, d'un côté comme individu, et d'un autre côté, malgré tout, il y a toujours des aspirations par rapport à des attentes qui relèvent de la société en général. Et c'est cette relation, hein, qui existe entre les aspirations individuelles et les représentations collectives, même si elles relèvent que, je dirais, de l'imaginaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez, alors après ces les entretiens d'enquête qualitative, si vous voulez, je suis à Sciences Po, donc évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes cette fois qu'on appelle les enquêtes d'opinion, et on élabore aussi des enquêtes, donc alors cette fois selon les normes académiques des enquêtes d'opinion telles qu'on les pratique à Sciences Po. Et du coup, on fait aussi des enquêtes, alors cette fois sur des échantillons beaucoup plus importants, bien sûr, d'individus beaucoup plus importants. Donc, je sais pas, j'ai fait une grosse enquête il y a 5 ans sur la CFDT. Là, on a mis en place un baromètre sur le dialogue social. Vous voyez, bon, voilà. C'est donc mes façons d'investiguer. Comment pratiquez-vous les entretiens ? Je suis assez bien placé pour savoir que à mesure qu'on fait des entretiens, on avance, on évolue, on affine. Alors, est-ce que vous pourriez, de ce point de vue-là, m'apporter, à titre personnel, votre témoignage entre le moment où vous démarrez tout jeune et puis vous avancez, forcément, vous avez affiné votre méthode. Alors, les entretiens, c'est quelque chose de très, très délicat et très difficile. Ah, vous me rassurez. parce que moi, je me méfie beaucoup, si vous voulez, des entretiens. Alors là, je parle des entretiens qualitatifs, hein. Des interviews, si vous voulez, où on va mettre en place 20, 30, 40, 50 questions. Les questions sont précises ? Ça peut être précis. Bon, ou ce sont des pistes ? Il y a déjà des questions qui sont incontournables, du genre, si vous travaillez sur les syndicats, est-ce que vous appartenez à une organisation syndicale ? Est-ce que vous avez déjà fait grève ? Est-ce que vous avez signé des pétitions ? Mais tout cela, je dirais presque, c'est l'état civil social. Voyez-vous ce que je veux dire ça ? Alors après, évidemment, il y a des questions qui sont beaucoup plus délicates, à savoir quels sont les regards que portent les individus sur tel ou tel type d'action, etc. Et là, l'expérience que j'ai eue, notamment dans certaines catégories sociales qui sont plus sensibles, c'est qu'au fond, il y a une espèce de travail d'élaboration de l'entretien qui se fait en cours de route. Parfois, je m'explique très simplement, les gens vont répondre et la plupart du temps, leur réponse ne vous surprend pas. Elles étaient souvent attendues. Mais quand on continue à parler ensemble, quand on continue à faire même parfois des digressions qui peuvent être nécessaires en l'occurrence, si vous voulez, il y a une espèce de révélation qui peut intervenir et du coup les gens se dévoilent. Il ne s'agit pas non plus de faire en sorte qu'ils se dévoilent. On n'est pas là pour un striptease, idéologique, politique ou social. Mais ils disent des choses qui vont beaucoup plus au fond de ce qu'ils pensent. Alors que quand ils ne vous connaissent pas, la difficulté c'est cela. On se rencontre au bout d'un quart d'heure, qui c'est celui-là ? En plus de ça, si vous présentez comme chercheur CNRS, Sciences Po, sociologue, ou peu importe... On vous regarde avec une certaine suspicion. Oui, même peut-être une certaine quelque distance. Chose de beaucoup plus... Il y a la suspicion, il y a la distance, il y a quelque chose, je pense, de beaucoup plus grave que les chercheurs avouent peu. C'est aussi l'espèce de situation, je dirais, de subordination dans laquelle l'interviewé se met par rapport à une personne qui se présente comme un académique, qui sait beaucoup, ou qui est censé savoir beaucoup, qui a lu beaucoup. Donc, la difficulté, c'est est-ce que je vais bien répondre ? Et cet aspect-là, c'est vrai qu'il est assez rarement mis en évidence dans les méthodologies qu'on enseigne, notamment aux étudiants, ou même dans les séminaires de recherche. J'avais ce midi un séminaire de recherche, on n'a pas parlé de cela, mais quand même, si vous voyez. Donc, ça, et cette relation de subordination entre l'enquêteur et l'enquêté, elle est assez peu dite, parce que, bon, c'est vrai que ça froisse aussi certaines choses dans le milieu. Mais je crois qu'elle est absolument fondamentale. Et justement, la difficulté, c'est, sans être, excusez-moi l'expression, faux cul, essayer de mettre à l'aise l'enquêté en disant, écoutez, moi je suis là pour apprendre de vous, et pas pour vous dire des choses que je pense, et pas non plus pour ensuite travestir. Voilà, mais c'est une relation de confiance donc qui doit s'établir et qui ne s'établit pas comme cela. Il vous a fallu du temps pour y arriver ? Allez, ah oui, alors là, oui, sincèrement, oui. Oui, sincèrement, oui. Oui, parce que bon, déjà, il faut déjà décrypter les paroles qui relèvent de statuts sociaux. Bon. Et apprendre à s'écouter et se regarder dans le miroir soi-même aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, de deux choses l'une, où effectivement, Bourdieu, mais c'est pas le seul, les Bourdieuvais en général ont beaucoup insisté, parce qu'il y a aussi des travaux dans la sociologie américaine qui avaient insisté sur ces aspects-là, c'est-à-dire, bon, les espèces de mise en scène de soi. Quand vous interrogez quelqu'un, il y a toujours, bon, un souci de paraître positif. Même sans image. Hein. Même c'est, sans image, bien l'image sûr. Que, non, c'est cela, exactement. Ouais. Donc ce souci de paraître, il joue beaucoup, surtout quand c'est dans des lieux aussi condensés qu'un entretien d'enquête, hein, parce que un entretien d'enquête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pris contact avec des organisations, ça peut être des syndicats, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations qui nous indiquent donc des individus. Ces individus, on va, pour les contacter, bien sûr, leur téléphoner ou leur faire téléphoner ou leur écrire. Il y a des prises de rendez-vous qui sont parfois pas... qui peuvent avoir lieu dans des délais pas forcément rapprochés. Ça peut être un mois, deux mois et tout cela, vous voyez. Donc, il y a tout ce travail préalable qui joue. Et ensuite, bien sûr, il y a la mise en place du vient le jour J. Voilà, voilà, ouais. Voilà. Alors, dans la mise en scène, c'est vrai que les acteurs sociaux qui sont plus engagés dans l'action collective, je pense notamment aux militants, vont, eux, avoir souvent un discours construit et pas forcément apporteur de véritables nouveautés que des gens qui sont moins engagés. Je fais mien vos propos. Je retrouve ça également dans l'exercice que je conduis. De cette constatation commune. Et du coup, finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes, même si ils ont une pensée hein, sur le monde social, que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rares cas. On pourrait parler d'une certaine forme de maïeutique de votre part ? C'est-à-dire... Faire éclore quelque chose qui n'a pas forcément encore été exprimé, peut-être ? Ce serait peut-être, alors là, je dirais peut-être un peu prétentieux de ma part. Hein, ou des coups de chance. Oui, mais c'est vrai qu'on peut découvrir des choses qu'on n'attendait pas du tout sans, et c'est en ce sens que j'ai hésité sur le terme maïeutique, sans cependant avoir une volonté de la faire découvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Vivante, suite de l'entretien avec Guy Grou. Puisque Guy Grou, vous avez eu l'opportunité dans votre carrière, dans votre travail, de rencontrer des gens qui vous ont parlé, qui vous ont témoigné d'avoir fait la grève, et que vous en avez certainement rencontré plus d'un, pourriez-vous dire qu'il y a quelque chose de commun, un soubassement commun à ces individus dans leur témoignage? C'est difficile à répondre, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai effectivement rencontré beaucoup de gens qui ont fait la grève, mais de catégories sociales très différentes. Et je pense qu'effectivement, le rapport à la grève des ouvriers n'est pas forcément le même que celui des employés, et encore moins parce que j'étais l'un de ceux qui, dans les années 70-80, ont beaucoup travaillé sur les cadres, hein, parce qu'il y avait une grosse interrogation sur les cadres, les ingénieurs, les techniciens. L'interrogation était assez simple. C'est une interrogation, je dirais, politique, puisque on voyait que toute une part de classe moyenne salariée, comme on disait à l'époque, qui se distinguait des indépendants classiques, rejoignait ou votait pour la gauche. Il y a même eu des notions comme le libéralisme culturel, vous voyez, tous les problèmes sociétaux, l'avortement, le rejet de la peine de mort, la pédagogie plutôt que l'instruction. Tout ça, on voyait que c'était partagé, si vous voulez, par ce qu'on appelait les nouvelles classes moyennes ou les classes moyennes salariées. Et ces gens-là, en général, ont alimenté très largement le vote de la gauche et ont permis d'ailleurs à la gauche d'arriver au pouvoir en France en 81. Et même, on peut dire que le Parti Socialiste a été la représentation politique la plus achevée du parti de ces nouvelles classes, je mets ça entre guillemets, on dit dans les années 70-80, classe moyenne, vous voyez. Donc, quand vous interrogez, bien sûr, donc, des ingénieurs, des techniciens par rapport à des ouvriers, des employés, sur leur rapport à l'action collective et plus particulièrement à la grève, il est bien évident que vous avez des discours radicalement différents. Et en ce sens, je crois que, alors, je veux pas faire du déterminisme social, hein, de dire qu'il y a un discours ouvrier sur la grève, parce que ça contredirait totalement ce que je viens de dire par rapport aux individus et à l'appréhension. Mais il en reste pas moins, qu'on le veuille ou non, j'aime bien cette formule d'Hogarth, un sociologue anglais, hein, qui montre dans les années 60-70, il y avait un gros débat sur l'embourgeoisement de la classe ouvrière. Ils devenaient propriétaires, ils achetaient des voitures, ils regardaient la télé, etc., etc., etc. Et Hogarth, alors qu'il lui a été un sociologue un peu à l'anglaise, hein, c'est-à-dire un rapport extrêmement étroit, toujours avec le monde populaire, en général, y compris même par des biais des grands professeurs qui participaient à des universités ouvrières, par exemple, voyez, ou syndicales, bon, ce qui se fait assez peu en France. Et si vous voulez, de façon plus marginale, et si vous voulez, Hogarth avait une très très belle expression, il disait, mais au fond, quand on observe bien, les ouvriers anglais, ils continuent à fonctionner selon des espèces de normes culturelles qui leur sont communes, ou des appartenances associatives qui sont à eux, que ce soit la chorale, que ce soit les jeux, vous voyez, etc. Et il avait dit, en réalité, c'est vrai qu'il y a peut-être de nouveaux modes de consommation qui jouent, mais il y a quelque chose d'incontournable, c'est cette espèce de sentiment qu'ils ont du « eux » et du « nous ». Et je trouve ça vraiment très révélateur, parce qu'on le retrouve toujours, d'ailleurs, y compris en France. Il y a cette espèce de distinction fondamentale, en quelque sorte, entre ceux qui ne sont pas de notre catégorie, qui ne travaillent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes horaires. C'est des trucs très basiques, hein, je dirais. On est presque... Je vais pas jouer le jargonneux ou faire des citations. Mais il y a une très belle expression de Gramsci. Comme pour expliquer les paysans du Mezzogiorno et la manière dont ils ressentaient plus ou moins leur domination, ils partaient du principe, c'était des analphabètes la plupart de ces paysans-là de l'époque de Gramsci, on était dans les années 20-30, du siècle dernier bien sûr. Et ils partaient de... Ils disent, mais quand ils pratiquent la simple génuflexion, c'est déjà un acte de soumission qu'ils intériorisent plus ou moins. Et il avait fait une analyse très très fine, justement, de cette manière, dans tout un tas de gestes qui nous paraissent absolument banals, signifient tout autre chose que ce qu'ils sont supposés signifier au premier degré. La somme de travail que supposent vos activités, Guy Groulx, va peut-être par ailleurs condamner d'entrée de jeu ma question, mais avez-vous eu, j'allais dire d'abord le temps, la curiosité, ça je n'en douterai pas, mais le temps de pouvoir vous plonger dans du comparatisme, puisque vous citiez l'Angleterre ou encore le Mezzogiorno, et précisément sur la question de l'ouvrier par rapport à la grève dans d'autres pays, qu'est-ce que vous avez pu lire, peut-être même d'ailleurs vous-même vous trouvez en confrontation directe d'entretien, je ne sais pas. Alors j'ai participé, si vous voulez, à pas mal d'enquêtes internationales, mais pas forcément, je dis, sur la grève. Notamment sur l'implantation des nouvelles technologies dans l'entreprise et les effets que ça avait sur les organisations du travail, des choses comme cela. Donc ça a été des enquêtes qui ont été faites dans le cadre du BIT, ou même récemment une enquête qui a été financée par la DARES, le ministère du Travail. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc ça, oui. Si vous voulez, sur la grève, alors non. Pour une simple et bonne raison. Alors j'ai lu quand même beaucoup de choses sur les grèves ailleurs. Notamment, j'ai beaucoup participé avec des collègues américains à la manière dont le syndicalisme américain s'est forgé, s'est créé, le rapport qu'il a eu effectivement à la grève ou aux mobilisations collectives pendant très longtemps, qu'il a d'ailleurs encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué, bien sûr. Alors si vous voulez, donc, pour quelle raison ? Parce qu'en France, quand vous êtes chercheur, il y a, je dirais, une particularité fondamentale que vous connaissez, qu'on ne connaît pas dans d'autres pays, notamment en Suisse ou en Allemagne ou ailleurs, c'est l'extrême division et pluralité syndicale. Si vous êtes un chercheur allemand, vous avez un syndicat, le DGB. Si vous êtes un chercheur anglais, vous avez une organisation syndicale, et TUC, Trade Union Congress. C'est un tronc. Voilà, il y a une organisation. Une organisation. Aux États-Unis, depuis la réunification des années 50, il y a la FL-CIO. Dans les pays, par exemple, comme l'Espagne, il y a deux organisations. En France, on en a cinq d'organisations. L'Italie, par exemple ? Trois, mais avec, alors, une différence fondamentale, c'est qu'en Italie, il y a de véritables unités à la base de l'entreprise. C'est-à-dire ? Y compris des formes d'intersyndicales ou de fusion des représentations dans les instances représentatives de l'entreprise. Donc, en France, on a cinq organisations, plus deux. Ce qui veut dire que quand vous examinez le rapport à la grève, celui de la CGT et de Sud ne sont pas les mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire vous faites du comparatisme à outrance, à cause même de la division syndicale, dans les pratiques collectives, qu'elles soient d'ailleurs de la grève, de la négociation, ou autre, vous voyez. Donc à ce titre-là, il est très très difficile donc, de faire les deux en même temps. Guy Groulx, comment expliqueriez-vous, si toutefois vous avez fait le tour de la question, sans doute, cette pluralité syndicale en France? C'est une longue histoire, qui relève, je dirais, un peu de l'aberration historique. Puisque au début, tout à fait au début, donc à la fin du 19e siècle, quand se crée la première CGT, elle regroupe trois grands courants en son sein. Les anarchistes, les possibilistes, c'est-à-dire grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui les réformistes, et puis, bon, une fraction plus, on disait guédiste à l'époque pour Jules Guesde, plus révolutionnaire, plus marxisante. La CGT d'après-guerre qui deviendra la CGTU, ça authentiquement marxiste après 1917. Bon, mais avant-guerre, avant la guerre de 14-18, on a trois grandes tendance, même si ce n'était pas organisé forcément comme cela, au travers des bourses du travail. Et on a donc une seule organisation syndicale, mais cette organisation syndicale, elle va totalement percuter par une première chose, c'est la guerre de 14-18, la déclaration de la guerre en 14, qui fait que beaucoup d'anarchistes qui étaient pacifistes, qui refusaient la guerre, c'est évident pour des anarchistes, ont été terriblement pourchassés par le gouvernement français, mis en prison ou obligé à l'exil, etc., etc. Donc, les anarchistes ont été décimés par la guerre de 14-18, et ensuite, il y a eu la révolution de 17, avec ses répercussions, si vous voulez, non seulement sur la CGT entre possibilistes et révolutionnaires, d'où deux CGT qui apparaissent dès cette époque-là, et puis en parallèle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et je pense pas qu'on ait raison de ne pas en parler beaucoup. Vous avez eu la CFTC, le syndicalisme chrétien, qui s'est organisée en 1919. C'était pas tout à fait un hasard si cela se passait 2 ans après la révolution bolchevique. Parce que l'Église catholique et puis des militants chrétiens qui étaient parfaitement, je dirais, convaincus hein, de leur juste devoir dans le monde ouvrier. On l'a vu plus loin après avec les prêtres ouvriers, etc. On ne va pas rentrer dans toute cette histoire. Mais, vous voyez, donc effectivement, il y a eu le fait qu'un constat très sensible qui était de dire, au fond, aujourd'hui on a un monde ouvrier qui est de plus en plus influencé par la cause révolutionnaire et qu'il faut évangéliser, mais alors évangéliser pas simplement en leur lisant l'évangile, bien sûr, sur les chaînes d'ateliers, hein, mais éduquer, voilà, former. Éduquer, donner un certain esprit aussi, je dirais presque, parce que c'est important, enfin on l'a oublié, ça, mais le syndicalisme chrétien va s'instaurer sur la notion de subsidiarité. Précisez-nous ce que c'est. C'est tout simplement le fait que pour ceux qui se reconnaissent dans cette notion, les règles qui sont appliquées aux individus doivent être prises, réfléchies, amendées et adoptées au plus près de ces individus eux-mêmes, quand cela est possible, bien sûr. C'est-à-dire, à la limite, quelque part, comme simple exemple, j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, quand la CFDT, qui vient du syndicalisme chrétien, puisque c'est est devenu autogestionnaire dans les années 70. Elle répondait tout simplement et en partie à 2 préoccupations. La préoccupation de tous les militants de la CFTC qui étaient restés qui avaient rejoint la CFDT, 90% quand même, hein, de l'ancienne CFTC, donc c'était pas négligeable. Et d'un autre côté, puisqu'après 68, il y a eu énormément de gauchistes, comme on disait, d'éléments d'extrême gauche qui ne voulaient pas rejoindre la CGT à cause de sa relation avec le Parti communiste français. Donc vous voyez, ces éléments gauchistes, eux, étaient souvent autogestionnaires. C'était soit l'autogestion à la Tito, soit l'autogestion à l'algérienne avec Ben Bella, etc. Bon, peu importe. Et ils ont réussi à faire une espèce de synthèse, le terme serait un peu trop fort, mais une sauce qui a quand même prise pendant une dizaine d'années. Et que la CFDT se soit réclamée d'autogestion et que ce soit passé aussi bien, parce que les gauchistes n'étaient pas majoritaires quand même parmi le 1,5 million d'adhérents qu'avait la CFDT à l'époque. Beaucoup avaient été CFTC auparavant. Oui. Donc ça, si ça a si bien pris, c'est précisément à cause de cela. Et on va la retrouver, si vous voulez, le principe de subsidiarité, c'est normalement ce qui gouverne aujourd'hui à l'Union européenne. Demain, la suite de cette thématique en compagnie du chercheur Jean-Marie Pernaud. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.